السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، باب التيمم. Reprenons le chapitre de la purification sèche, التيمم. والتيمم ذكرها هنا بعد ذكر الطهارة من الحدث الأصغر ثم الأكبر. Donc les savants, après avoir cité les chapitres concernant les ablutions, puis le Rusl nous cite le chapitre du tayammum, les ablutions sèches. والتيمم لغة هو القصد. التيمم dans la langue arabe signifie l'objectif, le but à atteindre. تقول تيممت فلانا ويممته إذا قصدته. نعم إذا قصدته. هذا لغة. وشرعا كما قلنا هو التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص. التيمم c'est une adoration qui se fait en s'essuyant le visage et les deux mains avec une chose de la terre pure, et ceci d'une façon particulière. D'une façon particulière, qui sera cité, inshallah ta'ala, prochainement. Sababu nuzul ayat al-tayammum. Kayfa shuri'a al-tayammum. Un point que nous allons voir, c'est quelle est la cause de la révélation du verset sur al-tayammum, et par quelle cause cette facilité nous a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. والقصة عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته أخرجه البخاري ورحمه الله تعالى. إمام البخاري رحمه الله تعالى نسيت dans son recueil authentique l'histoire de la révélation des versets permettant aux serviteurs qui ne trouvent pas d'eau ou bien sous certaines conditions de faire at-tayammum. Et cela a eu lieu lors d'un voyage. Et la cause de cela est Aïcha radiallahu anha. Essayer de traduire l'histoire. Donc Aïcha radiallahu anha nous dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage jusqu'à atteindre un endroit. C'est alors que mon collier s'est détaché. Donc elle porta un collier. Dans d'autres versions du hadith, si mes souvenirs sont bons, c'est un collier que Asma radiallahu anha lui avait prêté. Donc elle a perdu ce collier. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-timas. À cause de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, Aïcha a perdu son collier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté l'ensemble des gens. Ils ont arrêté leur voyage pour chercher ce colis. Naam, pour chercher ce colis. Donc l'ensemble des gens se sont arrêtés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils n'étaient pas en état de purification et ils n'avaient pas d'eau. Wadih? Ils n'avaient pas d'eau et n'étaient pas en état de purification. Alors les gens se sont rendus auprès de Abu Bakr. Qui pour Aïcha? Son père. Naam. Donc ils sont partis voir Aïcha, Abu Bakr radiallahu anhu, pour se plaindre. Naam. Pour se plaindre. Et ils lui ont dit: n'as-tu pas vu ce qu'a fait Aïcha? Elle a bloqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les gens avec lui, alors qu'ils n'ont pas d'eau. Alors qu'ils n'ont pas d'eau. Abu Bakr s'est donc rendu auprès de Aïcha radiallahu anha. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait sa tête sur elle, sur ses cuisses. Et il s'était endormi. Abu Bakr radiallahu anhu a dit à Aïcha: est-ce que tu as retenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les gens alors qu'ils n'ont pas d'eau? Elle a répondu que Abu Bakr lui a fait des reproches et lui a dit ce qu'Allah a voulu qu'il dise. Elle n'a pas cité les mots. Naam. Elle a dit: il m'a fait des reproches. Wa qala ma sha Allah an yaqul. Et il a dit ce qu'Allah a voulu qu'il dise. Elle n'a pas cité les paroles. Elle n'a pas cité les paroles. Radiallahu anhu. Et il l'a pointé du doigt ainsi. Il l'a pointé du doigt et c'est comme si yani, il lui faisait cela dans les côtes et sur elle. Vous comprenez la situation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur elle. Abu Bakr lui parlait et la disputait. Et il l'a pointé de son doigt au point de la toucher de son doigt. Naam. Comme si tu avais un bâton et que tu appuyais avec ton bâton sur la personne. Elle dit: et rien ne m'empêchait de bouger, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur moi. Vous avez perçu la, vous percevez la situation? Donc, elle était gênée. Naam, et peut-être que ça lui faisait mal. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur elle, elle ne bougeait pas. Radiallahu anha. Donc elle dit, rien ne l'empêchait de bouger, si ce n'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur mes cuisses. Et il dormait. Puis, lorsqu'il s'est réveillé, et qu'il n'a yani sans eau, Allah a révélé le verset du tayammum. Les gens ont donc fait at-tayammum. Un homme qui se nomme Usayd ibn al-Hubayy a dit, ça n'est pas la première bénédiction que nous voyons de votre part, ô la famille de Abu Bakr. Ça n'est pas le premier bien que nous voyons de votre part, ô la famille de Abu Bakr. Aïcha nous dit, donc il continue à chercher le collier, et lorsqu'ils ont fait se lever le chameau, le collier était sous le chameau. Naam, le collier était sous le chameau. Voici ce qui a été décrété pour que soit révélé Ayatut Tayammum. Une autre faïda, At-Tayammum min khasa'is hadhihi al-umma. At-Tayammum fait partie des spécificités accordées par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre communauté. Les communautés passées n'avaient pas cette adoration. Ils n'avaient pas At-Tayammum. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أخرجه مسلم رحمه الله. Donc at-tayammum fait partie des particularités, des spécificités par lesquelles Allah Azza wa Jal a gratifié cette communauté. Le prophète Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné 5 choses qui n'ont jamais été données avant moi à quelqu'un. Il m'a été donné 5 choses qui n'ont jamais été accordées à autre avant moi. Le secours m'a été accordé à la distance d'un mois. Lorsque les gens, soit devant, derrière, à droite ou à gauche, entendaient parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la distance d'un mois, ils le craignaient. À la distance de un mois, ils le craignaient. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la crainte dans le cœur des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une distance d'un mois. La distance qu'il te faudrait pour parcourir un mois, ce temps-là, ils avaient peur avant qu'il arrive. Na'am. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahidu min al-hadith wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Et la terre m'a été rendue en tant que lieu de prière et de purification. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. On a fait pour moi de la terre un lieu de prière. مَسْجِدَ يَمُرْضِعُ السُّجُودِ. Un endroit où je peux prier. Naam, un endroit où je peux prier et me prosterner, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَطَهُورًا. أي مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ. Allah Azza wa Jalla a fait pour cette communauté ماذا, la terre, une chose par laquelle on peut se purifier. فَأَيْنَمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّةِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَةِ فَلْيُصَلِّ. Donc tout homme, toute personne de ma communauté qui arrive à un moment où il doit prier, qu'il fasse la prière. Et soit tu as de l'eau, tu fais al-wudu. Si tu n'as pas d'eau ou que tu ne peux utiliser l'eau, tu fais tayammum, tu utilises la terre. C'est ce par quoi Allah Azza wa Jalla t'a permis de te purifier. وَحِلَّتِ الْغَنَائِمِ. Le butin m'a été rendu halal, alors qu'auparavant il ne l'était pas pour les gens. On m'a accordé al-shafa'a, et avant moi les prophètes étaient envoyés à leur peuple tout particulièrement, et moi j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. À l'ensemble des gens. Apporté par l'imam Muslim. Troisièmement, mashru'iyatu tayammum. Troisièmement, l'épreuve qui nous montre le caractère légiféré de التيمم، التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. التيمم أيت لجفري par le Coran, par la Sunna et le consensus. Et le consensus. Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que tayammum remplace l'eau. Que tayammum remplace l'eau pour celui qui n'en trouve pas. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. En sourate An-Nisa, le verset 43. Le début du verset, الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. Verset 43 de sourate An-Nisa. Ô les croyants, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, état de janaba, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel, el-ghusl. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Dans la sunna, le hadith qu'on vient de se rappeler, le hadith de Aisha radiallahu anha inda al-Bukhari, la cause de la révélation du verset de At-Tayammum. Aussi, قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ce qui vient de la terre et qui est pur te suffit, même si tu ne trouves pas d'eau pendant 10 ans. Même si tu ne trouves pas d'eau pendant 10 ans. Et lorsque tu trouveras de l'eau, alors lave-toi avec. Apporté par Abu Daoud et Tirmidhi, l'imam al-Albani nous dit qu'il est authentique, rahimahumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, comme dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, « Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura » Dans le recueil de l'imam Bukhari, on a fait pour moi de la terre un lieu de prière et de purification. « Tahura ayu tatahharu bih » Tahura, les savants disent, c'est-à-dire qu'on peut se purifier avec. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت الشروط كما قال ابن قدامة في المغني رحمه الله. Ibn Qudama رحمه الله تعالى nous dit, et les savants sont tous d'accord, نعم, بالجملة, pour dire que التيمم est légiféré. Puis nous avions cité المسألة, هل التيمم رافع أم مبيح؟ Est-ce que التيمم permet juste de faire l'adoration, rechercher, viser, ou التيمم ôte et enlève l'état d'impureté? On avait vu que la parole la plus plausible est de dire que ça ôte l'état d'impureté. Ça ôte l'état d'impureté. Car après avoir cité le verset sur At-Tayammum, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ne veut pas vous mettre dans la gêne, mais il veut par cela, ou il veut vous purifier. Il veut vous purifier. Donc At-Tayammum, hein, purifie la personne. Allah azza wa jalla a appelé cela tatahhur. Naam. Donc, ça enlève l'état, ça enlève le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ju'ilati al-ard masjidan wa tahura. On a fait pour moi de la terre un lieu de prière et de purification. Tahura, ça veut dire qu'on se purifie avec. On se purifie avec. Aussi at-tayammum badalun 'an al-ma', at-tayammum remplace l'eau. Donc elle prend le jugement, elle prend le même jugement et l'eau enlève l'état d'impureté. Donc nous avons la même chose pour at-tayammum. Mas'ala al-asbab al-mubiha lit-tayammum. Quelles sont les causes qui permettent au serviteur de faire at-tayammum? C'est une mas'ala importante. Quelles sont les causes qui permettent au serviteur d'avoir recours au tayammum? يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء ويكون ذلك في احوال. Donc il nous a été permis d'avoir recours au tayammum lorsque nous n'avons pas la capacité ou la possibilité d'utiliser. Et les différentes situations sont celles-ci. اولا لفقد الماء. Premièrement, car tu n'as pas d'eau. Celui qui n'a pas d'eau, il fait at-tayammum. Le premier cas qui te permet de faire at-tayammum est l'absence d'eau. L'absence d'eau. Faqdul ma'a liqawlihi subhanahu wa ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. La preuve de cela est qu'Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, donc la traduction, si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours à ce qui vient de la terre et qui est pur. Faites at-tayammum avec ce qui vient de la terre et qui est pur. Si vous ne trouvez pas d'eau. Si vous ne trouvez pas d'eau. Voici la première cause. Wa liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna sa'ida tayyib tahurun tahurul muslim wa in lam yajid al-ma' 10 sinin fa idha wajada al-ma' falyumissahu basharatahu fa dhalika khayr. Rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahumullah. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce qui sort de la terre et qui est pur est la purification du musulman, même s'il ne trouve pas d'eau durant 10 années. Et lorsqu'il la trouve, lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il se lave avec. Ceci est un bien. Rapporté par At-Tirmidhi, l'imam al-Albani nous dit que ce hadith est authentique. Thaniyan, la deuxième cause qui te permet de faire At-Tayammum, li khawfi dararin bisti'mal al-ma. لمرض يخشى زيادته أو يخشى تأخير شفائه لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى. الآية. La deuxième cause qui te permet d'avoir recours au tayammum est la crainte d'un mal qui pourrait te toucher en utilisant l'eau, ou l'augmentation de ta maladie, l'intensification de ta maladie, ou le retard et le repoussement de sa guérison. Donc une personne qui a de l'eau, elle a de l'eau, ou elle peut trouver de l'eau, donc ça n'est pas le premier cas, mais en utilisant l'eau, ça lui ferait un mal, ou il a peur que ça lui fasse un mal, il est malade, ça peut aggraver sa maladie. Il est malade, ça peut repousser la guérison. Ça peut repousser le temps de guérison. Pour ces cas-là, il lui est permis d'avoir recours à quoi? At-tayammum. D'avoir recours à At-tayammum. On comprend de ce point-là, quelle chose? Qu'At-tayammum n'est pas permis que pour celui qui n'a pas d'eau. Mais il y a aussi At-tayammum pour celui qui rentre dans le jugement de celui qui n'a pas d'eau. Donc soit il n'a pas d'eau haqiqatan, soit il n'a pas d'eau hukman, soit il n'a pas d'eau, soit il est dans le jugement de celui qui n'a pas d'eau. Donc le deuxième cas est le cas de celui qui a peur d'un mal en utilisant l'eau, d'accord, ou il est malade, donc ça peut aggraver sa maladie ou repousser, retarder sa guérison. Dans ce cas là il peut avoir recours au tayammum, car Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, si vous êtes malade, jusqu'à la fin du verset. Et c'est la traduction. ثالثا لشدة البرد. يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء. وهذا بعد البحث عن ما يسخن الماء. Le troisième cas, la troisième situation, car il fait très froid, tu peux faire un tayammum mais délaisser l'eau si il fait trop froid pour toi, au point où tu crains un mal. Naam, quand on dit un mal, c'est-à-dire la maladie, où c'est trop difficile pour toi, ou tu crains la mort en utilisant l'eau. D'accord? Et cela après avoir cherché ce avec quoi tu pourrais chauffer l'eau. Donc la personne a de l'eau. Troisième cas, la personne a de l'eau. Mais il fait froid. Elle cherche de quoi chauffer l'eau. Et elle ne trouve pas de quoi chauffer. Et en utilisant cette eau, il craint un mal. Naam. Il craint un mal. Ou il craint même pour sa vie. Dans ce cas-là, on lui dit, fais et tayammum. Mais la personne qui ne craint pas pour sa personne ou pour sa vie, en chauffant l'eau, même s'il fait très froid, est-ce qu'elle peut avoir recours au tayammum ou pas? Non. Car en chauffant l'eau, la nuisance disparaît. Mais dans le cas où il fait très froid, et qu'en se lavant, même si la personne a de l'eau chaude, elle craint pour sa vie, elle fait tayammum. Est-ce que c'est wadih? Yani dans le premier cas, elle n'a pas de quoi chauffer l'eau. Et c'est le fait que l'eau soit froide, ou bien qu'il fasse froid, qui l'empêche d'utiliser l'eau. C'est wadih? Dans ce cas-là, elle fait tayammum. Dans le deuxième cas de cette situation, ce n'est pas le fait que l'eau soit froide qui lui porte préjudice. C'est plutôt le climat qui fait qu'en se lavant, et par exemple en ayant les cheveux mouillés, il est pratiquement sûr de tomber malade, ou il craint pour sa vie. Même dans ce cas-là, on lui dit de faire et tayammum. ودليل ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث بغزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال قلت فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أو إن الله بكم رحيما أو كان بكم نعم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا أو ولم يزد شيئا وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام روى أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. Donc la preuve de cela est le hadith de Amr ibn al-As durant la bataille de Dhatu Salasil, lorsqu'il a voyagé pour cela, il nous dit ihtalamtu, il s'est réveillé alors que il s'est retrouvé en état de janaba. À son réveil, il s'est rendu compte qu'il était en état de janaba. Et c'était durant une nuit où il a fait très froid. J'ai donc eu peur de me laver. Il a eu peur pour sa vie. Fatayammamtu. J'ai donc fait at-tayammum. J'ai donc eu recours au tayammum. Et j'ai prié, j'ai présidé la prière du subh pour mes compagnons. Naam. Donc il a fait l'imam avec at-tayammum. Il est en état de janaba. Il a fait tayammum et il a fait l'imam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il m'a dit, est-ce que tu as fait l'imam, tu as présidé la prière pour tes compagnons, alors que tu étais en état de janaba? J'ai dit oui au messager d'Allah, car je me suis rappelé la parole d'Allah. Donc la traduction, ne vous tuez pas, car certes Allah est envers vous miséricordieux. Car certes Allah est envers vous miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ri. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire et n'a rien ajouté. Naam, il a ri, c'est donc un iqrar, il a acquiescé, c'est comme ça qu'on dit, l'action et l'istidlal et la mada, la preuve trouvée par mada Amr ibn al-As radiallahu anhu. Ici Amr ibn al-As a fait un ijtihad. Ici Amr ibn al-As a fait un ijtihad. Naam, car il n'était pas proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Naam, et il avait la capacité, il avait la science, il était min ahl al-ijtihad. Naam, il était min ahl al-ijtihad. Donc on ne se dise pas nous, yani j'ai pas la capacité de poser la question à Shir, je suis ajtahid. Yani je fais un ijtihad. Là, naam, nous n'avons pas la capacité et le niveau de faire un ijtihad comme a détaillé Cheikh Atiyya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala cette mas'ala. Le quatrième point, li khawfi dararin bi talabi, celui qui a trouvé un point d'eau mais il a peur d'aller prendre cette eau. Mais il a peur d'aller prendre cette eau. Dans quel cas par exemple? Naam. Il y a de l'eau. Naam, le frère a dit il y a de l'eau mais il y a des crocodiles. Ça je ne sais pas c'est où mais c'est un bon exemple. Naam. Donc il y a de l'eau mais il y a des crocodiles. Donc il a peur pour lui, s'il descend prendre de l'eau, qu'il ne se fasse attraper et dévorer par des crocodiles. Quoi par exemple? De manière générale, tu fais khutura. Il y a un danger. Naam, il y a un danger. Parle plus fort. J'entends pas. Si, yani, par exemple, naam, il y a des malfaiteurs. C'est comme ça que tu as dit? Naam. Yani, des brigands. Yani, il veut aller chercher de l'eau. Mais il craint pour lui parce que dans cet endroit, il y a des gens qui pillent les richesses, il y a des voleurs, il y a. Ou, un autre exemple, libu'adil masafa. Parce que c'est trop loin. Naam. Car l'endroit est trop loin. Ou les shiddati burudatil jaw, parce qu'il fait trop froid. Naam, de se déplacer, d'aller chercher l'eau dans cet endroit, il fait tellement froid qu'il a peur pour lui. Donc dans ces cas-là, la personne a la permission de faire at-tayammum. Donc il peut aller prendre de l'eau, il sait où il y a de l'eau, mais il a peur pour sa vie, il craint pour lui, il craint un mal, il craint pour sa vie. En allant chercher de l'eau dans cet endroit. إذن لخوف ضرر في بدنه بطلبه. Il a peur pour lui qu'il lui arrive quelque chose en allant chercher de l'eau. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ne vous tuez pas car certes Allah est envers vous miséricordieux. وقال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, selon la traduction, et ne vous jetez pas avec vos propres mains à votre, ou dans votre perdition. Wa qala subhanahu wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Allah ne vous a pas mis dans votre religion de choses de gêne. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الله le prophète صلى الله عليه وسلم a dit nulle nuisance Naam, ne faites pas de, il n'y a pas de nuisance, ni vous en faites, ni on vous en fait. Selon l'explication de certains savants. هذا حديث أبي سعيد وابن عباس وعائشة وابي هريرة وغيرهم كما قال شيخ الإسلام حفظه الله تعالى وخرجه أحمد وابن ماجه ومالك رحمهم الله. خامسا la cinquième cause qui te permet de faire التيمم لعجز عن دفع ثمن الماء. Donc toi tu n'as pas d'eau, tu trouves un endroit où il y a de l'eau à vendre, mais tu es incapable de payer le prix de cette eau. Soit car tu es dans une situation de pauvreté extrême, soit car l'eau, de par le fait qu'elle soit devenue rare, est très élevée. Naam, est très élevée. Dans ce cas-là, si tu n'as pas les moyens de payer, d'acheter cette eau pour faire al-wudu ou bien le rusl ou autre chose, tu fais al-tayammum. Pour te purifier, tu fais at-tayammum. Donc, Maza, dans ce cas-là, il y a de l'eau qui ne lui appartient pas, mais lui n'a pas la capacité de l'acheter. Il y a un il n'a pas assez. Il se peut aussi qu'il ait de l'argent. Naam. Mais en achetant cette eau, il ne pourrait pas manger. Ou il ne pourrait pas dépenser pour sa famille, ainsi de suite. Et cela nous amène au sixième point. Sadisan, li khawfi darari li rafiqihi ou hurmatihi ou mali. Il craint un mal pour ceux qui l'accompagnent. Par exemple, en voyage, les compagnons. Ou hurmatihi. من له ولاية عليهم من النساء. Donc ce sur qui il a un droit, ce dont il est responsable parmi les femmes. Naam. Donc, ou bien ses animaux, ses bêtes, ou son argent. Par exemple, tu es en voyage, tu as de l'eau. Si vous utilisez cette eau, ou si toi tu utilises cette eau, ceux qui t'accompagnent n'auront pas assez à boire. Ils vont être assoiffés durant le voyage. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'utilises pas cette eau pour boire. Tu fais tayammum et vous gardez cette eau pour qu'ils puissent boire. Voilà, c'est clair? Donc ça c'est les rafiqi, pour ceux qui l'accompagnent. On craint un mal pour ceux qui l'accompagnent. En buvant de cette eau, tu rendrais assoiffé ceux qui t'accompagnent. Alors tu utilises tayammum et tu gardes l'eau pour boire. Et pour qu'eux puissent boire. Ensuite, les hurmatis. Donc tu as des femmes avec toi. Tu es responsable de ces femmes-là. Tes filles, tes épouses, tes tantes, et ainsi de suite. Si tu utilises cette eau pour faire al-rusl, tayam ou al-wudu, elles vont être en difficulté, elles ont besoin de cette eau. Elles vont manquer d'eau. Alors tu fais tayammum. Alors tu fais at-tayammum. Un autre cas, tu as des bêtes avec toi. Tu as des chevaux ou bien des bœufs et ainsi de suite. Et ils ont besoin de boire. Et si tu ne leur donnes pas à boire, que tu utilises toi l'eau, naam, ils vont, cela leur nuira. Ou bien ils pourront même mourir. Alors, tu fais at-tayammum. Donc il craint que l'eau ne leur suffise pas si lui l'utilise pour la purification. Dans ce cas-là, il a recours à at-tayammum. Ça fait combien de cas? Ça fait 6 cas. Qu'est-ce qui nous les répète? Le premier cas, celui qui est connu, il est fardilma, car il n'a pas d'eau. Le deuxième cas, il a de l'eau, mais huwa marid. Naam. فباستعمال الماء يزداد مرضه أو يتأخر أو تتأخر أو يتأخر شفاؤه. نعم يخاف من يعني يخاف الضرر على نفسه. Donc dans le deuxième cas, il a de l'eau, mais il craint qu'en utilisant l'eau, ça le touche d'un mal ou sa maladie s'accentue ou sa guérison soit repoussée. نعم. Le troisième cas, L'ijidat il bard, parce qu'il fait trop froid. Et il craint pour lui, en utilisant l'eau, la mort ou une grande nuisance, ou une nuisance. Naam. Il n'a pas de quoi chauffer l'eau. Il n'a pas de quoi chauffer l'eau. Le quatrième cas, il y a de l'eau, il a trouvé un point d'eau, mais il y a un danger. Il y a un danger. Voyez. Le cinquième cas, il y a de l'eau à vendre, mais lui n'a pas les moyens d'acheter cette eau. Ou ses moyens ne lui suffiront plus pour faire le reste de son dont il a besoin, yani acheter à manger, ainsi de suite, ou sa famille. Le sixième et dernier cas, il craint que ça ne suffise pas pour ce qui l'accompagne ou ce dont il a la responsabilité parmi les femmes ou pour ses bêtes. Oui. Le point suivant, shurut ou tayammum, les conditions du tayammum. Quelles sont les quatre premières conditions? Quelles sont les quatre premières conditions? Naam. Al-Islam, al-Aql, wa tamyiz, t'as oublié le deuxième, qu'on sait toujours. Naam. Al-Niyya. Barakallahu fiqh wa jazakallahu khayran wa zadakallahu ilman wa amalan wa tawfiqan. Donc, les conditions du tayammum, les quatre premières, on les connaît tous maintenant. Naam. Voir les cinq premières. Premièrement, l'islam. Premièrement, qu'il soit musulman. Premièrement, qu'il soit musulman. Si le kafir fait tayammum, ça passe pas. Naam. Car il n'a pas cette condition. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ الآية. Et rien n'a empêché que leurs aumônes soient acceptées, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et son message. La deuxième condition, النِّيَّة, l'intention, les قَوْلِي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. Les actions ne valent que par les intentions. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. La troisième condition et la quatrième, al-aql wa at-tamyiz, la raison et le discernement. Les قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم عن ثلاث. المجنون حتى يفيق. وماذا؟ الصغير حتى يحتلم. والنائم حتى يستيقظ. Donc le celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve, le petit, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, ou la puberté plutôt, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. La cinquième condition, التعذر عن, يعني تعذر استعمال الماء, l'incapacité d'utiliser l'eau. L'incapacité d'utiliser l'eau. Et on a vu que c'est de deux sortes. حقيقةً أو حكمًا. Il n'a pas d'eau, ou bien il a de l'eau, mais il est dans le jugement de celui qui n'a pas d'eau, du fait qu'il ne peut pas y avoir recours. Donc la cinquième condition, l'empêchement, l'incapacité d'utiliser l'eau. قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا. Vous ne trouvez pas d'eau, alors faites التيمم. تنبيه, une remarque avant de poursuivre les conditions. من تيمم لعدم وجود الماء. Celui qui fait التيمم du fait qu'il n'a pas eu d'eau. Du fait qu'il n'avait pas d'eau. Vous vous souvenez la première situation qui permet التيمم, c'est quoi? فقد الماء. Le fait qu'il n'a pas d'eau. Ibn Asim, رحمه الله تعالى, attire notre attention sur un point très important en disant: من تيمم لعدم وجود الماء. فَلَا بُدَّ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الْمَاءِ قَبْلَ التَّيَمُّمْ. Celui qui se permet de faire التَّيَمُّمْ du fait qu'il n'a pas d'eau doit absolument, obligatoirement chercher en premier lieu, chercher en premier de l'eau. Celui qui a fait التَّيَمُّمْ du fait qu'il n'avait pas d'eau doit absolument, avant d'avoir recours au tayammum, chercher de l'eau. Il doit chercher, il doit aller demander ici et là, il doit regarder ce qu'il peut en acheter. Il doit chercher autour de lui, il doit questionner les gens. Est-ce qu'ils ont de l'eau? Puis il doit demander, est-ce que vous pouvez m'indiquer un endroit où il y a de l'eau? Après avoir fait ça seulement, il fait tayammum s'il n'a pas pu avoir de l'eau. Fala, c'est quoi la preuve de cela? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, falam tajidu ma'an fatayammamu. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites tayammum. ولا يقال للرجل فلم يجد الماء الا بعد البحث عنه. Et tu ne dis pas d'un homme qu'il n'a pas trouvé d'eau si ce n'est après avoir fait quelque chose, si ce n'est après qu'il ait fait quelque chose, chercher. نعم. فلا يقال عن احد انه لم يجد الماء الا بعد البحث عنه. Tu ne dis pas d'une personne qu'il n'a pas trouvé d'eau si ce n'est après qu'il en ait cherché. فلا يقال إنه غير واجد إلا إذا بعث إلا إذا بحث. نعم. فمن لم يبحث عن الماء لا يقال لم يجد الماء. Donc celui qui n'a pas cherché l'eau, on ne dit pas de lui qu'il n'a pas trouvé. À quelles conditions nous allons passer? La sixième, السادسة. أن يكون المتيمم به مما يتصاعد عن أو على وجه الأرض الصعيد. Donc la sixième condition, que ceux que tu vas utiliser pour faire être tayammum, n'am, soit une chose qui vient de la terre, soit une chose qui sort de la terre. واضح. يعني si tu sors, il y a quoi sur le sol? Il y a le parterre, il y a la terre, il y a le sable, les pierres, et ainsi de suite. Il faut que ce soit une chose de la terre, même si elle n'est plus sur la terre. Voilà. Si toi par exemple tu as sur ton lit une pierre, tu peux faire tayammum avec ou pas? Est-ce qu'on appelle ça sa'id? Oui, ça vient de la terre, tu peux faire tayammum avec. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vient de la terre. As-sa'id, c'est ce qui vient de la terre. As-sa'id, c'est ce qui vient de la terre. Allah Azza wa Jalla nous dit fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'idan. Was-sa'id huwa kullu ma tasa'ada 'ala wajhi al-ard. As-sa'id, c'est tout ce qui est monté de la terre, si vous voulez. Littéralement. Na'am, tout ce qui vient de la terre. Ay ma kana asluhu min al-ard. Ce dont la base est de la terre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire même si, quand tu as fait tayammum avec, il n'est pas au sol. À partir du moment où sa base est la terre, na'am, tu peux faire tayammum avec. Donc comme at-turab, la poussière, ar-raml, la terre, le sable, at-turab, on va dire la terre. Al-raml, le sable. Al-ghubar, la poussière. Taïb, est-ce que celui qui a des murs et il y a une couche de peinture, il y a une couche de peinture, est-ce qu'il peut taper ses mains sur le mur et faire tayammum? On est dans quelle condition? La sixième. C'est quoi la condition? Al-sa'id. On a dit c'est quoi sa'id? Ma yakhrujna al-ard. Donc, s'il y a de la peinture, si c'est, il y a de la peinture sur le mur, est-ce qu'on peut faire tayammum ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas. Est-ce que la peinture, elle vient de la terre ou pas? Elle vient pas de la terre. Donc, on ne peut pas faire tayammum. On ne peut pas faire tayammum avec. La sixième condition, tout ce qui vient de la terre. Si c'est du sable, tu peux ou pas? La base du sable, ça vient d'où? La terre. Donc on peut faire tayammum avec le sable. Une pierre. Oui ou non? Oui, parce que ça vient de la terre. Donc tout ça, tu peux faire tayammum avec. Naam. Une pierre n'est pas touchée par la masse. Une pierre normale. La pierre, ammi, si son asl, sa base, elle vient de la terre, Même si elle est comme ceci, comme cela, c'est une pierre, sa base c'est la terre, on peut faire terre. Mathalan, on trouve, il y a une pierre, yani ici ou là. Il n'y a pas de poussière dessus. Il n'y a pas de poussière. Est-ce qu'on peut faire tayammum dessus ou pas? Cette pierre, sa base, c'est la terre ou pas? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Cette pierre, sa base, c'est la terre ou pas? Oui ou non? C'est la terre. Donc on peut faire tayammum ou pas? On peut faire tayammum. Sur la peinture, il y a la poussière. Chez nous, Inch'Allah, il n'y a pas la poussière. Mais, les ulama disent que si sur un endroit, cette chose-là, sa base, ce n'est pas la terre. Dessus, il y a une chose dont la base, c'est la poussière. On peut faire tayammum dessus. Mais la personne n'aura pas fait tayammum avec la peinture, le mur et la peinture. Ma foi, mais le cas-là? Une brique, on peut. Oh non, on se pose qu'une question. Est-ce que cette brique, Ami, sa base, c'est la terre ou pas? C'est la terre. Moi, je connais pas de brique, la base, c'est pas la terre. Au Yémen, c'était des briques en terre. Alhamdulillah. Dans certains pays, c'est en mazah. Yani, c'est plus solide. Quand il pleut, t'es pas obligé de courir chez toi. Ma fi mouchkila. Moi, je te pose une question, Ami. Ta brique avec laquelle tu fais ta deuxième maison, Inch'Allah, hein? Où tu construis ton étage, ou le troisième. Est-ce que la base, ça vient de la terre, ce sur quoi tu vas taper tes mains et faire comme on verra, Inch'Allah? Si tu me dis non, je te dis tu fais pas de tayammum. Mais moi, j'ai pas en tête une brique qui va être faite avec une base, il n'y a pas de chose qui vient de la terre. Si tu me dis oui, je te dis fais. Si tu me dis non, je te dis fais pas. Mais moi, j'ai pas en tête. Mais c'est pas mon domaine. Naam. C'est pas mon domaine. Je m'y connais pas en travaux, malheureusement. Allah musta'an. Chacun ses compétences. Naam. Même si je n'ai pas beaucoup. Taïr. Est-ce que cette condition est comprise? Naam. Si ça vient de la terre, tu peux faire être tayammum. C'est ce qu'on appelle as-sa'id. Et dans le verset, Allah Azza wa Jal nous dit فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا. La condition, c'était la septième, la huitième condition, أَنْ يَكُونَ الْمُتَيَمَّمْ بِهِ طَاهِرًا. Ça doit être une chose pure. نعم. عفوًا. سَابِعًا أَنْ يَكُونَ الْمُتَيَمَّمْ بِهِ مُبَاحًا. Donc, septièmement, c'est que la chose avec laquelle on fait tayammum soit licite. Si quelqu'un a volé quelque chose, est-ce qu'il peut faire tayammum avec? Ça passe pas parce que c'est pas mubah, c'est volé. Naam. Donc, une terre qu'il a volée à son voisin. Hein? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Quand la famille, il voyage, il lui vole sa maison. Wal'iyadu billah. Vous connaissez ça ou pas? C'est connu ça ou pas? C'est connu, wal'iyadu billah. Il a un jardin. Hein? Son frère ou la personne à qui il a volé ce bien-là, il a un jardin. Et lui, il ne peut pas faire l'oudo ou l'ours parce qu'il est malade. Est-ce qu'il peut faire tayammum avec cette terre-là? Il ne peut pas parce qu'elle n'est pas mubah. Il ne peut pas parce qu'elle n'est pas mubah. Naam. Donc, il faut que cette chose avec laquelle il veut faire tayammum soit licite. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, son action sera rejetée. Son action sera rejetée. هذه رواية مسلم أصله في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ثامنا, la huitième condition, يكون المتيمم به طاهرًا. La huitième condition est que ce avec quoi tu veux faire être tayammum soit pur. Pourquoi est-ce que les savants disent tahiran alors que souvent on voyait le mot plutôt tahour? Quand on a fait le cours sur l'eau, on disait quel mot? Tahour. Et là on dit tahiran. Pourquoi? Non. نعم. لماذا عبر بهذا اللون طاهر وفي باب المياه طهور؟ Comment? Là. Le mot fahour, c'est que pour l'eau. Le mot fahour pour dire pur, c'est que pour l'eau. Pour tout le reste, on dira tahir. C'est wadah? Fahour, c'est que pour l'eau. Quand on parle d'eau pure, on dit le mot fahour. Quand on parle d'autre chose, vêtements, terre et ainsi de suite, on dit tahir. Barakallahu fik. إذن أن يكون المتيمم به طاهرا. Que la chose avec laquelle tu veux faire un tayammum, نعم, la chose avec laquelle tu veux faire un tayammum, par exemple le sable ou autre, soit pure. نعم, soit pure. قال الله لقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. Car Allah عز وجل dans le verset nous dit de faire un tayammum avec une chose qui sort de la terre et qui est pure. والطيب هو الطاهر. At-tayyib dans le verset tayyiban, c'est at-tahir, c'est la chose qui est pure. Wal-ijma' qa'imun 'ala dhalik. Mas'ala. Voici pour les conditions. Donc voici pour les conditions de at-tayammum. Premièrement, al-islam, être musulman. Deuxièmement, an-niyya. Troisièmement et quatrièmement, al-'aql wa at-tamyiz. Cinquièmement, ta'adhdhur isti'mal al-ma', l'incapacité d'utiliser l'eau. Sixièmement, ayakun al-mutayammamu bihi mimma yatasa'ad 'ala wajhi al-ard, que ce avec quoi tu veux faire le tayammum sorte de la terre. Septièmement, ayakun al-mutayammamu bihi mubahan, que la chose avec laquelle tu veux faire le tayammum soit licite. Huitièmement, ayakun al-mutayammamu bihi tahiran, ce avec quoi tu veux faire le tayammum soit pur. Mas'ala man wajada ma'an yakfi ba'd tuhrih. Madha yaf'al? Une question. Celui qui a de l'eau mais qui ne lui est pas suffisante pour faire l'eau entièrement. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Donc il a de l'eau mais ça lui suffit par exemple pour faire sa bouche, le nez, le visage et son bras droit. Naam. Donc il a de l'eau, mais ça ne suffit pas pour faire entièrement sa purification. Que devra-t-il faire? Naam. Yatawadda bilma illadhi wajad. Naam. Il fait al-wudu avec ce qu'il a comme eau. ويتيمم للباقي. Et il fait التيمم pour le reste. Est-ce que c'est واضح? Il a par exemple un demi verre d'eau. Il a par exemple un demi verre d'eau. Un tout petit verre d'eau. Un verre de thé, d'eau. D'accord? Un petit verre. Il met l'eau dans sa main. Il fait la bouche, il ne fait pas les mains trois fois au début parce que c'est sunnah, il n'a pas assez d'eau. Alors il fait la bouche et le nez une fois. Puis il reprend de l'eau, il fait le visage. Puis il veut faire le bras, ça, il n'y a plus, presque plus d'eau. Il n'a pas fini l'eau. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il s'essuie les mains, les rend sèches, et il fait tayammum. Et il fait tayammum. Comment est-ce qu'il fait tayammum? On verra ça, incha'Allah ta'ala, dans le cours de vendredi. Quelle est la preuve de cela? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqu Allah ma stata'tum. Craignez Allah autant que possible. Et lui, il a craint Allah azza wa jal autant que possible. Il a utilisé l'eau qu'il avait pour faire ce qu'il a pu. Pour faire ce qu'il a pu. Donc il a mis en pratique le verset. Mtathal al-aya, fattaqu Allah ma stata'tum. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم رحمهم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit ce que je vous ordonne faites-en ce que vous pouvez. Ce que je vous ordonne, faites autant que possible. Faites ce que vous en pouvez. Donc toi, tu as pu faire par exemple le visage, yani tu as pu faire la moitié de l'wudu. Tu as fait la moitié de l'wudu. Et on ne va pas dire faites tayammum directement. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné de le craindre autant que possible. Et tu pouvais faire la partie de l'wudu. Donc on ne dit pas tu fais tayammum directement. Là, tu tawadda bima yakfi. Donc tu fais le wudu avec ce que tu as et pour le reste tu fais at-tayammum. هذا الذي رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال هو الأحوط. Ibn Uthaymin, c'est l'avis qu'il a choisi. Il a dit c'est la sécurité. Naam, c'est la sécurité. Une autre mas'ala, هل التيمم مشروع أيضا في الوضوء المستحب في الطهارة المستحبة. Une question intéressante. Est-ce que التيمم est aussi légiféré pour celui qui n'a pas d'eau et qui veut faire une purification qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire? Nous on avait vu الوضوء pour quelle chose par exemple qui n'était pas obligatoire? Hein? Vous vous souvenez pas? Dhikrullah par exemple. Pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. قبل النوم لمن كان جنوبا قبل الأكل والشرب لمن كان جنوبا قبل معاودة الجماع et ainsi de suite. On avait cité des cas où c'est recommandé de faire le wudu. Est-ce que dans ces cas-là, celui qui n'a pas d'eau peut faire at-tayammum? Est-ce que c'est légiféré? Est-ce que cela lui est légiféré de faire at-tayammum? Non. Là, notre oncle dit non. Donc, fil fard faqat. Ami dit que pour une chose obligatoire. Vous êtes d'accord? Antum tuwafiquna? Vous êtes d'accord ou pas? Dites, il va rien vous faire. Laisse-la fil fard. Nahnu fi taharati mustahabba. Wa tahara mustahabba. Hal lahu an yatayammam li faqd al ma' am la? Hadha huwa as-su'al. Jaruk yaqul la. وأنت ماذا تقول عنه؟ أنا أقول يتيمم مهما نتوضع نتيمم. جزاك الله خير. هذا هو الصواب. نعم. Ça c'est la bonne réponse. Oui, on peut faire التيمم même pour une tahara مستحبة. On peut faire التيمم même pour une tahara مستحبة. نعم. Ça c'est ce qui est en conformité avec les textes. ما الدليل على ذلك؟ On va s'arrêter sur ça. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام. Le prophète sallam il n'était pas en état de purification. Quelqu'un l'a salué, il lui a passé le salam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tayammum et ensuite seulement il lui a rendu. Il a fait tayammum ensuite seulement il lui a rendu le salam. Et il lui a dit quoi? إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. Je n'ai pas voulu citer le nom d'Allah sans avoir la purification. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. هل رد السلام يعني هل ذكر الله هل ذكر الله واجب؟ Est-ce que le fait de citer le nom d'Allah avec le wudu c'est une obligation? Non. هذا هو. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بيتتم الصالحات.